Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. Voici Écoutons-la dans la chanson. Bonjour et bienvenue à Écoutons-la dans la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, l'animateur / méga vedette de C'est fou. Et pour accompagner l'animateur vedette... Hmm? Qui? Quoi? Ah! Ma conscience! Ben oui! Encore elle! Ben oui! Ben bonjour, conscience! Bonjour, Mathieu, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, et toi, je sais que ça va bien parce que tu es dans ma tête. Exact. Donc, si tu vas bien, je vais bien aussi. Si tu vas mal, je vais mal aussi. Voilà. Sur une fin de rhume, toi aussi. Ouais, exactement. Okay. Donc, fin aujourd'hui... de rhume, petit nez qui coule, etc. Mmh. On va parler du fond du nez aujourd'hui. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, on est supposé avoir de la visite d'un poète. Donc, on va parler poésie tout à l'heure. Écoutons la chanson. On va s'éduquer en termes de poésie parce que je suis pas un connaisseur. Mmh. Et du même coup, moi non plus. Voilà. Vous aurez tout compris, le principe... Le principe tiré par les cheveux, un peu. Ben non, non, non, c'est très, très plausible. Je suis la voix dans ta tête, je suis une partie de ton cerveau. Et comme les gens peuvent entrer dans ma tête, ben ils ont le droit de t'entendre toi aussi. Exactement, t'sais. Parce que c'est l'émission qui fait entrer les gens dans l'intimité de Mathieu Plante. Animateur, / méga vedette de C'est fou. Exactement, et afin de promouvoir cette idée-là de... vraiment inciter les gens à entrer dans toi et dans ton intimité. Mais pourquoi pas aller plus loin en leur présentant ta conscience, plus loin, qui est moi-même. Plus loin, plus loin. Plus profondément. Plus profond, ouais. Comme on dit. Ben oui. Vous êtes pas d'accord? Non. Allons entendre un premier bloc musical pour vous, comment dire, lubrifier le cerveau. OK. Okay? Là-dedans, il va y avoir du Joel Plaskett Emergency. Il va aussi y avoir The Living End. Oui, The Living End, ça va être la pièce, une très longue pièce, mais une pièce excellente qui s'appelle The Room. Et on va aussi entendre à la fin Métagruau. Oui, à la fin Métagruau. Commençons avec The Living End. Okay. Écoutons la don. La chanson. Quelle bonne idée. Mais c'est moi qui l'ai eu, donc. Oh, c'est moi aussi. Hein? Non, mais bravo. Je te l'ai proposé. Bravo. Oh. Ah. On est géniaux. Oui. Connecté. Vraiment. C'est la connexion totale. Haute vitesse. In a room you can build a home, plant the seed, life begins to grow. It's outgrown life inside. How will it live and will it survive on its own outside? Just the same, you hold me and embrace me or replace me? Bye. wanna get real gone. I know we can find some liquor at the Bayers Road shopping mall. Dayboy says he knows a dude. They call him Johnny. Hook me up. I know he can hook us up. Drunk teenagers, let's start a fight. Out getting hammered on a Saturday night. Drunk teenagers, you can pick your poison. The city or the country, we just wanna make some noise. Joel Plaskett Emergency avec Drunk Teenagers de l'album Ashtray Rock. Écoutons-la dans la chanson. Et on avait entendu juste avant du Métagruau avec la pièce... Tibia Sauvignon, ça vient de leur maxi du même nom. Exactement. Et c'est sur la palmarès francophone de C'est fou. Et on avait également entendu en tout début de bloc The Living End avec la pièce de Room. Alors on était très progressif et un peu psychédélique dans ce premier bloc de pièces ce matin. La musique de Droguier. Oui, exactement. Mais une fois de temps en temps, ça fait du bien, on part en force, on se réveille. Tout à fait. Faut pas toujours commencer lentement. T'sais. La musique, c'est pas lentement et ensuite une courbe vers la progression. Faut que ce soit toute la progression. C'est exact. C'est comme une vague musicale, dans le fond. Ouais, exactement. Un peu dans tes oreilles. Mais pas dans ton nez, parce que ça fait mal de l'eau dans le nez. Ouais, ça fait mal et puis ça bouge. Puis là, en plus, ça se ramasse dans les oreilles. C'est encore plus désagréable. Non. Mais dans les oreilles, directement, à la, la musique. Oui. Pas la vague d'eau, la musique, on s'entend. C'est une grosse image, ça. C'est vraiment une analogie. Là. Bon, il faut nous suivre. Il faut être très, très allumé pour comprendre ce matin. Très, c'est poétique. Très difficile. Très poétique. Hein? Pour faire un lien avec ça, un peu plus tard, on va recevoir notre poète, M. Bruno Roy, mais pas tout de suite. Non, tantôt. Tu sais, il faut se mettre dans le bain de s'ouvrir. Ouvrir nos horizons. Ouvrir nos horizons. Non, belle image. Moi, j'adore ça. Dans le prochain bloc, il va y avoir la musique de Beer on Pet. Mais on va commencer avec Pace Play, une pièce qui est dans le palmarès de C'est fou en ce moment. Voici 5 à 7. Écoutons-la donc. La chanson sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Dans vos oreilles. Ah ouais. Que je connais pas, beaucoup trop glamour pour donner de l'amour. Par contre, à l'aise à exhiber mes atouts. L'important c'est d'avoir l'air riche. J'oublie mon air très souli aux caméras pastiches. Sauf du vide, la vide de tout ce qui est dans le vent. Vite et maintenant, pour pas qu'on me dise que c'est plus ça qui est dans le vent. J'achète à vendre, regarder, je jette à vendre, le garder. C'est quoi la tendance, la nouvelle fragrance? J'garde la cadence, puis je dépense tous mes sous pour vous. C'est pâté, j'oublie mes goûts beaux. M'effacer, me fondre dans la masse de monde, c'est tout ce qui compte. Ton nom est mettre sur le guest list, mais on sait pas des qui. Tu traînes avec les artistes, mais on sait pas des qui. Tu poses devant les journalistes, mais on sait pas des qui. T'es comme un animal de cirque, puis on sait pas. Yes, tu es ici, tu bois tout notre alcool, mais on sait pas des qui. Yes, tu es ici, arrête de parler pis, dis-moi donc t'es qui. Mais on sait pas t'es qui. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête de parler pis. Dis-moi donc t'es qui. C'est une légende dans le domaine. Il possède la plus belle coupe de cheveux. Le genre de type qui se promène avec des gens d'influence comme s'il était eux. Il est vraiment trop tendance, c'est sa plus grande dépendance. Il consomme comme une sotte, con comme une feuille morte. Monsieur, je veux être une vedette, popsicle sans talent. Tout le monde le connaît vraisemblablement. On dirait que plus les gens le détestent, plus il travaille sur de quoi il a l'air. Plus les gens le délaissent, plus sa présence est sévère. Il est aussi facile à repérer que du cac dans tes raviolis. C'est le seul qui a priori cherche quelqu'un d'important pour être son ami aussi. Ton nom est sur le guest list, mais on sait pas des qui. Tu traînes avec les artistes, mais on sait pas des qui. Tu poses devant les journalistes, mais on sait pas des qui. T'es comme un animal de cirque, pis on sait pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu bois tout notre alcool, mais on sait pas des qui. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête de parler pis. Dis-moi donc t'es qui. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais on sait pas de qui. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête de parler pis. Dis-moi donc t'es qui. Pace Play avec 5 à 7. Écoutons la chanson ou EDLC. EDLC. Répète donc ça encore. EDLC. Exactement. Vous avez tout compris. Yeah. Après la pause, écoutons la chanson. On reçoit notre poète Bruno Roy et on s'entretient avec lui pendant quelques minutes. Donc restez avec nous. C'est au retour. Écoutons la donc. La chanson sur les ondes de Sifu 89.1 FM. Vous êtes toujours à Écoutons la Donne, la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité, Mathieu Plante. Et de faire connaissance avec sa fameuse conscience. Oui, bonjour conscience, rebonjour à toi. Merci. Bonjour Mathieu. Merci. On n'est plus seul dans mon cerveau en ce moment parce qu'on reçoit Bruno Roy, poète, romancier et essayiste. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, M. Roy, parlez-moi un petit peu de vous, votre parcours. C'est un parcours... Moi, je suis à la fois essayiste, poète et romancier. Mmh. Et j'ai beaucoup écrit sur la chanson. En fait, j'ai écrit 4 livres sur la chanson québécoise, dont un dernier essai qui est paru au printemps dernier, qui s'appelle L'Osticho. L'Osticho ou le désordre libérateur. En fait, l'Osticho, c'est un spectacle extrêmement important dans la chanson québécoise, qui établit une rupture. Avant, nous étions plutôt, européens dans notre sensibilité, culture française, etc. Et quand Charlebois arrive, il impose une manière de chanter et de dire qui est très nord-américain. Et il y a comme une rupture esthétique. Avant, c'était de la belle chanson, et là, voici qui intègre une rythmique beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme, beaucoup plus rock. Et en fait, le rock se faisait déjà. Et donc, oui, j' 6 sur la chanson. J'ai écrit 6 recueils de poésie aussi. J'ai fait également 4 romans, dont le dernier s'appelle « N'oublie pas l'été ». Et je suis venu au roman un peu par accident parce que dans ma vie personnelle, pour parler du « moi », comme tu dis, ouais. Je suis identifié beaucoup au groupe qu'on appelle les orphelins du Plessis. Je suis moi-même un orphelin du Plessis. Un orphelin du Plessis, c'est quelqu'un qui, dans son enfance, est né en dehors des liens du mariage. Et à l'époque, ça entraînait l'exclusion sociale, et on faisait de ces enfants des exclus, et donc on les internait dans des asiles psychiatriques parce que ça rapportait des sous. Je simplifie un peu. Mm-hmm. Et j'ai mené cette lutte-là pendant 14 ans. On a eu gain de cause. On n'a pas eu un règlement parfait, mais je pense que après 15 ans de lutte, là, il fallait... conclure. Et c'est le gouvernement Landry qui a réglé le dossier. Première étape, parce qu'il y avait deux étapes. Deuxième étape, c'est le gouvernement Charest. Donc, je suis identifié beaucoup à ces orphelins Duplessis. Et si on les appelle Duplessis, c'est parce que c'était à l'époque de Maurice Duplessis. Et moi, je dis souvent en blague, on dit de moi que je suis un orphelin Duplessis, mais en réalité, je suis fils de premier ministre. Donc, c'est une façon, évidemment, de boutade. Puis c'est un dossier qui a été très difficile à régler, mais qui finalement s'est réglé. Au niveau de la poésie, j'ai écrit un livre, un essai sur les orphelins Duplessis, mais j'ai fait aussi un recueil de poésie plus personnel qui s'appelle Les Racines de l'ombre, où, comme j'ai pas connu ma mère, ben j'invente ma mère dans ce recueil-là et je me réconcilie avec elle parce qu'il y a eu une époque où j'étais en colère. Mm-hmm. On peut deviner pourquoi j'étais en colère. Et si je suis venu à la poésie, c'est grâce à un vers de Gaston Miron. Gaston Miron avait publié en 70 un recueil qui s'appelle L'homme rapaillé. Et j'étais quand même adulte, j'avais 25-26 ans. Et ça ne m'empêchait pas d'être en colère contre le monde entier. Et quand j'ai lu cette phrase de Miron, c'est cette phrase qui a fait de moi un écrivain. La phrase de Miron, c'est « Un jour, j'aurais dit oui à ma naissance. » Et je venais de comprendre qu'il fallait que je dise oui à mon histoire à moi. L'accepter, vivre avec, et que je ne pouvais pas l'exclure. Puis en même temps, j'ai découvert comment les mots ont du pouvoir. Parce que voici que des mots qui ne m'étaient pas adressés à moi, je me les approprie de façon tellement forte que ça a changé mon regard sur moi. Alors, au lieu d'être en colère toute une vie, ben, j'ai dit oui à mon histoire et j'ai pu avancer comme ça. Et c'est comme ça que je suis entré en poésie, si je peux dire. Mm-hmm. Ça soulage. Oui, en effet. Ouais. Est-ce que vous voulez nous lire un poème? Oui, c'est mon dernier recueil. En fait, il va apparaître un prochain qui va s'appeler « Brûlé par la nuit ». Mm-hmm. Celui-ci s'intitule « Telle lyrique d'amour ». Donc, c'est des poèmes que je dédie évidemment à ma blonde et dans lequel je lui dis combien parfois c'est difficile, combien parfois c'est enthousiasmant. Et entre autres, ce poème « L'avenir sans tes bras, je n'y pense pas. Sans ton cou, je manque de hauteur. » Le présent sans ton corps, je glisse sur une pierre. Sans tes jambes, je m'écrase. Le passé sans tes yeux, j'oublie l'horizon. Sans tes mains, je n'ai plus rien à donner. Sans toi se détruit tout ce que je fais sans toi. Merci beaucoup, Monsieur Roy. On va continuer la discussion tout à l'heure, mais pour l'instant, on va retourner en musique. Oui, qu'est-ce qu'on va aller entendre? On va entendre The Cat Empire avec Sly, tout de suite. Écoutons l'ado! La chanson! Festival time, and this woman is a goddess at a festival shrine. Met her while a jam in a garden of sorts. I must confess, God bless, some impure thoughts. Show us some money! Was the call of the night, but no money could have bought even a piece of the pride. There might have been a sea of people I don't know, because all I could see was that this woman, she blows. So why? It's a pleasure to meet ya. You look like one incredible creature. Wanna treat ya fine? Let's dance and grind. Get so funk and flick that it's a crime. You're divine, you're sublime, and well, you blow my mind. Milk this. I saw her coming, what a scene, what a mean. She got the sex coffee beam, but she tastes like vanilla. Worldwide, she ignites when we hit the floor, like the room on a super commodore. Now if it makes a good story, well it's just worthwhile. We first start dealing stories in a sprinkler style. It's all sly, aye, it's a pleasure to meet ya. You look like one incredible creature. Wanna treat ya fine, let's dance and grind. Get so funky, flick that it's a grind. You're divine, you're sublime, or will you blow my mind? You're so sly. Why? Ginny. A dude I'm all shot, kid the sack back seats, feeling alright. A dude I'm a chubbo, a rocker with a funk stride. A dude I light check out with a do not disturb sign outside. Yeah, yeah, yeah, yeah, and a dude I slide. Why, it's a pleasure to meet ya. You look like one incredible creature. Wanna treat you fine, it's time to grind. Get so fucking flicked that it's a crime. You're divine, it's a blind, the way you blow my mind, hey. You're so sly. Slide de Cat Empire, ici, avec ton Adon la chanson. On est toujours en compagnie de M. Bruno Roy, qui est poète et tellement plus. Hein? Oui. Poète, romancier et essayiste. On vous rappelle qu'on reçoit M. Roy aujourd'hui, qu'on s'entretient avec lui. C'est dans le cadre du Festival international de poésie de Trois-Rivières qui se déroule du 3 au 12 octobre. Donc, c'est cette raison qui fait qu'on a le plaisir de le recevoir dans nos studios aujourd'hui. Oui, c'est Sprock. Ah, tant mieux. Alors, Monsieur Roy, on parlait que vous avez écrit un recueil qui est... vous me rappelez le titre déjà? Imaginer pour écrire. C'est ça. Dans le fond, ça, c'est venu parce que vous avez un passé en tant que professeur, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. J'ai enseigné 20 ans au secondaire. OK. Au début, je voulais les initier à la poésie. Et donc, je faisais avec eux des exercices, mais très libres, très, très automatiques, un peu surréalistes, éclatés. Mm-hmm. Mais je me suis... J'ai pris conscience assez rapidement que c'est bien de se défouler avec les mots, le langage, tout ça, mais à un moment donné, il faut que ça se ramasse. Et je faisais à ce moment-là, moi, j'enseignais, mais je faisais une thèse de maîtrise sur... et j'ai choisi comme sujet mon expérience d'enseignant, l'initiation à la poésie. Donc, je rejoignais deux intérêts, la poésie et l'enseignement. Et j'ai fait un livre, donc, qui s'intitule « Imaginer pour écrire » et qui propose des pratiques d'écriture en classe. Des pratiques de poésie. Et ensuite, ça s'est étendu, si tu veux. Je donne, par exemple, dans le cadre du présent festival, hier, à la Maison de la Culture, je donnais un atelier d'écriture. Demain, je vais dans quatre écoles, mais je rencontre quatre groupes avec lesquels je vais proposer des activités d'écriture, et toute la semaine comme ça. En plus, évidemment, de certaines lectures là, dans des restos. Et donc, mais je suis un professeur à la retraite depuis 10 ans, à peu près. Et généralement, c'était quoi le succès de ces ateliers-là dans les écoles? Est-ce que ça fonctionnait bien? Non seulement ça fonctionnait bien, mais il y a toujours des surprises. Et c'est ça, c'est extraordinaire. Parce que, malheureusement, dans l'enseignement, au secondaire, à l'époque où j'enseignais au secondaire, j'espère que ça a changé depuis, mais je ne suis pas certain, l'apprentissage de la langue se faisait comme... La langue, c'est un moyen de communication, mais jamais un moyen d'expression, mm-hmm. ou rarement un moyen d'expression. Alors moi, quand j'approchais la poésie, j'approchais leur apprentissage de la langue se faisait par les systèmes symboliques, donc par la poésie. C'était bien que c'était un autre rapport et c'était beaucoup plus riche. Et moi, je me souviens, quand j'étais professeur en secondaire 5, au programme était prévu l'enseignement, comment on signe un contrat, comment on signe un bail, c'est quoi un bail? On est loin de la culture, là. Effectivement. Comprends-tu? Mm-hmm. Alors moi, quand j'enseignais la poésie, j'étais un petit peu délinquant et j'ai toujours pensé qu'un prof doit être délinquant. Parce que le conformisme est tellement présent dans l'enseignement qu'on ne va pas chercher le potentiel des jeunes. Et les jeunes y ont un potentiel. Il s'agit juste de les mettre en contact. Et moi, ma job, c'était ça, les mettre en contact. Et j'ai 10 de mes étudiants au secondaire qui sont devenus poètes. Donc, c'est pas un hasard. Alors, c'est sûr que pour moi, la poésie, c'est important parce que ça éveille vers l'autre, parce que à cet âge-là, on est concentré sur soi-même, hein? Oui. C'est normal. Donc, la découverte de soi puis la découverte de l'autre en même temps. Et découvrir aussi, parce que j'ai jamais été un professeur neutre. C'est-à-dire que les mots ont un pouvoir. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a les mots du pouvoir. C'est quoi la nuance? La nuance, elle est fondamentale. Les mots du pouvoir, c'est ceux qui nous gouvernent. C'est les mots de Harper actuellement, qui dit que la culture, ça vaut rien, que les artistes, c'est dégâté. Ça, c'est les mots du pouvoir. c'est le pouvoir qui parle, tu vois? Mm-hmm. Alors que le pouvoir des mots, c'est la possibilité qu'on a d'utiliser les mots et de trouver son identité, de dire les choses telles qu'on les... En d'autres mots, c'est être libre et non pas conditionné par du discours. Et les mots du pouvoir, c'est du discours politique. Et quand Harper coupe et dit que les artistes sont des enfants gâtés, il confond la culture et le vedettariat. Oui, il y a certaines vedettes qui sont riches, mais 90% des artistes sont pauvres. Tu vois? Alors, mm-hmm. c'est dans ce sens-là, les mots du pouvoir et le pouvoir des mots. Donc, si je comprends bien, le pouvoir des mots, c'est pouvoir se défendre contre... Les mots du pouvoir. Tout à fait. Et le plus bel exemple, c'est, je l'ai vécu dans le dossier des orphelins du Plessis. Les orphelins du Plessis, à 80% sont des analphabètes. Okay. Et quand j'ai pris le dossier, parce que les mots donnent de la crédibilité, quand j'ai pris le dossier, j'ai écrit un livre là-dessus. Donc, j'ai organisé le discours, si tu veux, la défense. Mais si je n'avais pas eu la parole, je n'aurais pas été capable. Et quand on n'a pas la parole... on n'a pas la crédibilité. Donc, avoir la parole, c'est se donner aussi une crédibilité. Mm-hmm. Et si le dossier des orphelins du Plessis... Moi, j'ai toujours dit que le dossier des orphelins du Plessis a été sauvé par les mots. Pas parce que c'est moi, personnellement. Parce que voilà que quelqu'un était capable de répondre au discours politique qui niait le dossier, tu vois. Alors, donc, je suis conscient que avoir les mots, c'est avoir plus de pouvoir. Et vous avez confiance envers ces mots-là? Vous avez confiance que ça a vraiment un pouvoir et une influence? Écoute, les mots changent. Moi, ça a changé ma vie. Mm-hmm. Mais on ne sait pas comment ça change la vie des autres, parce qu'ils ne le disent pas. Ouais. Mais tous les poètes que je rencontre, je leur dis souvent, je pose cette question-là. Comment t'es devenu poète? Et sans exception, grâce à tel vers, tel poète. Et mm-hmm. c'était mon cas. Et je suis convaincu que la parole est un lieu de liberté. Je suis convaincu de ça. Donc, vous semblez un homme très engagé dans différentes causes, non seulement les orphelins du Plessis, mais dans d'autres choses aussi. Ah, tout à fait. Moi, sur la question nationale, je suis très engagé. Sur la question de la culture aussi, j'ai envoyé un texte sur Internet qui s'appelle Vigile. Vigile, c'est un site où on peut prendre la parole. Et j'ai envoyé un texte la semaine dernière qui s'appelle Culture, soutien et solidarité. Mm-hmm. Parce que je crois que la solidarité fait partie de la culture. C'est-à-dire que la culture permet une plus grande solidarité, puisque la culture donne une conscience. Tu vois? Mm-hmm. Et dans ce sens-là, pour moi, je suis un écrivain engagé, mais pas engagé dans une cause partisane comme genre Parti québécois. Moi, je suis pas membre du Parti québécois. Okay. Et pourtant, je suis indépendantiste. Tu vois? Mm-hmm. Et tout le monde aura compris que je voterai pas pour Harper. Tu vois? Oui, on avait compris. Donc, oui, j'ai un engagement, mais c'est un engagement pour des causes sociales, pour une justice sociale. Tu vois? Je suis engagé dans ce sens-là. Je fais partie, par exemple, de Au Secours. Actuellement, on est en train de... Les eaux, là, c'est inquiétant, parce qu'ils sont en train de commercialiser cette énergie de... Parce que l'eau est une forme d'énergie. Donc, c'est une cause qui m'interpelle. Il y a eu, bien sûr, celle des orphelins du Plessis qui continue. Il y a la question nationale. Mais il y a aussi ce que moi, j'appelle... faire circuler, faire connaître la littérature québécoise, parce que on est, comme je disais tantôt, les jeunes apprennent la langue à travers la communication et non pas à travers la littérature. Et je crois qu'il faut les deux. La communication, c'est important, on s'entend. Il faut maîtriser sa langue, mais il faut aussi être capable, avec cette langue-là, d'être libre. Et je suis pas sûr que c'est l'école qui permet ça. Et est-ce que ces engagements-là transparaissent dans vos poèmes, à part évidemment les orphelins du Plessis? Là, mais... Oui, j'ai publié, d'ailleurs, il y a un recueil de poésie qui s'appelle Peuple d'occasion. OK. Et qui est traduit, qui va paraître prochainement, qui est traduit en espagnol. OK? J'ai un autre recueil qui s'appelle Le détail de la langue. Donc, c'est des poèmes politiques, mais comme je le disais tantôt, c'est pas des poèmes en faveur du Parti québécois ou c'est des poèmes. La question de la langue, moi, m'interpelle. Énormément. Mm-hmm. Et pas la langue juste comme je disais tantôt, le moyen de communication, mais la langue comme forme d'expression. Et pour moi, c'est important. Et s'il n'y avait pas la culture, il y aurait une espèce de creux, parce que la culture aide à vivre. La poésie aide à vivre. Les chansons qu'on écoute aident à vivre. Oui, tu vois? Mm-hmm. Alors, donc, s'il n'y avait pas ça, et c'est pour ça que je trouve Harper très méprisant. Il méprise la culture, ça. Et pourtant, il y a un paradoxe chez lui, il joue du piano. Donc, Harper, il y a une sensibilité artistique, c'est clair. Mm-hmm. Et on dirait qu'il la renie à des fins politiques, bien sûr. encore là, la question du pouvoir revient. Tout à fait. Donc, c'est à savoir, est-ce que c'est lui personnellement ou c'est tout le contexte? C'est-à-dire que, étant donné qu'il est le premier ministre, c'est lui personnellement aussi. Ouais. Parce que c'est lui qui contrôle tout actuellement. Même son parti. Son parti n'a pas droit à la dissidence. Et dans un pays où on n'a pas droit à la dissidence, il y a que ça s'approche des pays totalitaires. Je ne dis pas que le Canada est un pays totalitaire, mais disons que pour l'instant, c'est inquiétant. D'accord. Quand on suit les traces de Bush, on a des raisons de s'inquiéter. Alors, sur cette note un peu plus politique et engagée, on va passer en musique? Oui, tout à fait. On va revenir avec un autre poème après, puis on va conclure tout ça. Merci beaucoup, M. Roy. On s'en va entendre Be Rompel, voici The Kelly Affair. Écoutons-la donc! La chanson! 89.1! FM! Tu as su tout de ma nudité d'enfant. Te voici sur moi, ma racine bien en terre. Je veux aller plus loin. Je consens au raccordement. J'invente ma première fois de toi, cherchant à me blottir contre ton immensité. Au dernier instant me restera l'éternité. Je sais que je vivrai hors de l'épuisement de naître. Je peux maintenant t'offrir mon enfance nue dans l'éclat de sa maturité. Je n'ai plus peur de l'abandon. Monsieur Bruno Roy, merci beaucoup pour ce poème. Très bien. Donc, Monsieur Bruno Roy, qui est romancier, poète et essayiste, qui est encore avec nous. Et puis, ça va être bientôt l'heure de lui dire au revoir. Mais avant ça, on va faire un petit survol rapide des livres et recueils qui s'en viennent pour vous. En fait, d'ici le printemps, il y a 4 livres qui s'en viennent. Il y a le 4e tome de mon journal qui s'appelle Journal dérivé. Il y a un recueil de poèmes qui s'appelle Brûlé par la nuit, qui va être publié aux Forges et qui va sortir cet automne. Il y a un album des 100 plus belles chansons du Québec aux éditions Fidès et il y a une traduction de Peuple d'occasion qui va apparaître en espagnol. C'est beaucoup? C'est très beaucoup. Occupé. C'est beaucoup. Effectivement, mais c'est un hasard quelque part. Et vous êtes au Festival de la poésie, rappelons-le. Oui, je suis au Festival de la poésie où je lis de mes poèmes, mais également où je donne dans certaines écoles et même à la Maison de la culture ici des ateliers d'écriture sur la poésie. Donc on sera là, c'est du 3 au 12 octobre. Ici à Trois-Rivières. 3 au 12 octobre, le Festival international de la poésie. Beaucoup d'activités. Si ça vous tente, allez faire un tour. Je suis sûre que tout le monde peut trouver son compte. Alors, merci beaucoup, M. Roy. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est réciproque. Merci beaucoup. Nous, ben, on se quitte pour cette première heure d'Écoutons la chanson. Il y en a une deuxième qui s'en vient avec plein de bonne musique, surtout francophone. Mais pour l'instant, ça va être la formation Neurone avec l'album Jaune Planète et la pièce titre. Restez là, c'est les nouvelles de Radio-Canada qui s'en viennent. Juste après, et puis on se retrouve pour la deuxième heure d'Écoutons la chanson sur les ondes de Sifu 89 FM. Directement des studios de Cifou 89.1 FM à Trois-Rivières. C'est la deuxième heure d'Écoutons la Don, la chanson. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Écoutons la Don, la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, animateur, barre oblique, méga vedette de C'est fou. Et moi, je suis sa conscience, la partie qui lui parle et qui lui suggère différentes choses ou qui est en accord ou en désaccord avec ce qu'il dit. Mm-hmm. Est-ce que c'est toi qui me donnes un gros ego comme ça quand j'anime Écoutons la Don? C'est possible, oui. Possiblement. Oui, c'est très possible. Mm. Écoute, si on est rendu à me faire connaître aux auditeurs, c'est que t'es vraiment russe. T'es big, là. C'est ça. Ben, faut dire aux gens que je suis animateur à bord avec Méga Vedette, sinon ils sauraient pas, t'sais. Ouais. Hein? Non? Non, mais t'as une aura de Méga Vedette autour de toi. Oui. Tu te promènes, pis gars, ça sent la Méga Vedette à des. Je m'aveugle moi-même, en fait, t'sais. Je m'aveugle. Ouais. Mon aura est tellement brillante. Ouais, absolument. OK. Donc, deuxième heure qui commence en francophone cette fois-ci. On varie. Varibari, on aime ça. On va écouter du Roi Poisson et du Polype dans ce bloc-là, mais on va commencer avec la nouvelle pièce de la Baroque Machine. De la Baroque Machine. Oui. Oui, qu'on a reçue très récemment. C'est la saveur du mois et c'est bon. C'est ce qu'on va aller voir. Mmh. Écoutons-la donc. La chanson sur les ondes de Sifou 89.1 FM. La Radio Campus. De Trois-Rivières. C'est ça. On se complète tellement bien. À peine bien. Tout est correct. partie. Le caoutchouc se mitraille et les cocktails sont servis. Un refoulement humain jusqu'au cœur des ruelles. La manifestation pacifique n'est qu'une guerre éternelle. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Le Roi Poisson est premier rang. Écoutons-la dans la chanson, c'est leur EP numéro uno. Numéro uno. Numéro uno. Et on avait entendu du polype. Oui, avec Super Humain. Et on a débuté ça avec la Baroque Machine. Et la saveur, saveur du mois. C'était bon, ça, c'était délicieux. C'est comme un petit café aromatisé, ça. Ça sent, on peut humer le succès futur de cette pièce. Ouf. Un jour dans les palmarès. Un jour. Oh, bah, un jour très, très prochain, je suis sûr. Sûrement cette semaine, moi, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ça, je dis. Ils font quelque chose de nouveau, ils vont jouer de la mettre dans le palmarès. Ben oui. C'est juste bon, c'est juste. Comme nous, on n'a pas choisi de donner une émission, on est tellement bon. Fait qu'écoutons la chanson. On est toujours en direct les lundis matins de 10h à midi, on rappelle. Les jeudis de 9h à 11h. Donc, synthonisez votre poste radiophonique sur le 89,1 Modulation, Frequency Modulation, FM. Pour entendre Mathieu Plante et sa conscience parler entre eux. Et pour entendre juste Mathieu Plante et d'autres collaborateurs, vous avez aussi les palmarès à chaque vendredi soir de 17h à 20h. Et le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble et vendredi matin en à plein 10h. Ça. Ah, que c'est facile à retenir tout ça. Dans le prochain bloc musical, il va y avoir le nouvel album de Caïman Fou qui est entré sur le palmarès cette semaine. On va aussi avoir El Motor qui est dans le palmarès, mais on commence avec une pièce qui vient de quitter les palmarès. Voici Chinatown. Et secousse, c'est que ton ladon! La chanson sur les ondes de Sipou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Ni les secousses de la route, ni les pénuries de mazout, l'amour, le rêve. Restez ici, j'écoute la radio locale en m'éloignant de mon réel. Ton visage se mêle au paysage, tout est pêle-mêle dans ce monde sans âge. Je sais bien que toujours je penserai mon cœur malade, enfonçant vers d'autres. Je ne sais pas comment te dire que je n'ai plus rien à te dire. Je prends mon taxi pour l'Asie, ton souvenir qui s'évanouit. Je cherche les sensations fortes, les exits au-dessus des portes. Le réconfort dans les bunkers et les tempêtes dans les speakers. Je sais bien que toujours je penserai mon cœur malade, enfonçant vers d'autres façades. Yeah. danserai mon cœur malade, enfonçant vers d'autres façades. si j'ai peur, c'est de moi. Je vous invite à déguster un bien drôle d'animal. Si vous avez du mal à digérer, tout est tout à fait normal. C'est normal. Je vous invite à déguster un bien drôle d'animal. Si vous avez du mal à digérer, tout est tout à fait normal. Tout à fait normal. J'ai eu mon fou avec Drôle d'animal, la pièce titre de leur plus récent album. Ça vient en fait d'entrer dans le palmarès francophone en 15e position. Et on avait entendu juste avant El Motor. Oui, avec la pièce Vive l'automne qui est elle numéro 1 du palmarès. Ah, excellent. Donc un sandwich, la dernière et la première. Et juste avant ça, au tout début du blog, c'était El Motor. Non, non, c'était Chinatown. Ah, c'est ça, avant ça je voulais dire. Convenu moins. Peut-être proche. Oh, oui, c'était ça je voulais dire. Chinatown, leur pièce s'appelait Secousse, c'était dans le palmarès francophone il y a quelques temps, ça vient de partir. Et puis leur album ou maxi de seulement quelques pièces s'appelle L'amour, le rêve et le whisky. J'aurais pu être plus précis dans mes chiffres. Ça. Il y en a 4. OK, excellent. Super. Et maintenant, en tant que conscience, je vais faire connaître quelque chose à la Mégavedette. Ah, à moi, ça? Oui. Animateur baroblique Mégavedette, tu vois ça? Oui, c'est ça. OK, oui. Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Je vais te faire connaître une découverte musicale. OK. Ça s'appelle The Return. C'est le nom du groupe. Malheureusement, elle n'existe plus. Mais ben là, tu peux découvrir quelque chose qui n'existe plus. Mais ils ont quand même 3 albums à leur actif. Celui-là qui s'appelle The Arsonist Plays The Architect. Et l'autre d'avant, c'était Danger, Danger, Silent Stranger. Et le premier qui est un peu moins connu, que je n'ai malheureusement pas écouté. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Mais ces deux-là sont vraiment excellents. Et la pièce qu'on va aller entendre s'appelle Blood Vessels. Les vaisseaux sanguins en français. Et j'espère que vous allez apprécier. Et toi aussi, la partie vivante de moi qui... non, on s'entend. Moi, je suis la conscience, toi, t'es le corps. Moi, quand je parle de toi, c'est la partie interne de mon cerveau. Et quand toi, tu parles de moi, c'est... la partie physique. Le corps autour de... Exact. La bête. Écoutons-la donc. La chanson sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Has a softer sound. Now finds a softer sound when loneliness finds its way around. But I won't let it, that devil get me. Oh, no. appliquer les freins sur une route maganée, déminée par le doute des lieux mal éclairés. T'as manqué une courbe et le short a craché. Tu traverses la neige, le pare-brise qui casse. Et ton corps aussitôt hélico projeté, par-delà quelques vrais, quelques accélérés. Je t'ai de temps, toi ta caisse renversée. Prends le volant, la route et puis le champ. Traverser le verre comme on sort de sa mer. Vu la somme des entorses, vu le sang sur le corps, ton âme flanche divorce. Si j'étais là, je te parle de bois. J'ai une chambre et des rois pour ton corps qui mange jusqu'à ce que tu t'endormes. Parmi l'eau crayonnée, l'aquarelle et l'incendie, t'es bercé par le vent sur un lit de gravier. Et partout sous ta peau, le sang a dessiné des fleurs fanées, des chrysanthèmes qui mousent. Et on fait un gros plan sur ton corps en fadesse. Le pare-brise que tu mâches, et mes diarrhées font comme un à la route. Tes yeux brûlés, car heurtés en boutique dans les archipels de verre, heurtés par l'oubli et l'absence de lumière. Vu le sang des entorses, vu le sang sur les glaces, vu le temps de planche des morts. L'accident de Skarmika, c'est avec leur maxi TNT, / Conifère. Dans le même bloc, on avait entendu Elliot Brud et la pièce Write It All Down For You. Et juste avant, une nouveauté que j'ai fait connaître à la partie physique de moi-même. Donc, Mathieu Plante, ouais, animateur / méga vedette de C'est Fou. C'était la formation de Return avec la pièce Blood Vessels. C'est déjà presque la fin de cette émission, dès que tournons la chanson. Dans le prochain bloc, on va entendre la musique des Gigolos, un vétéran des Palmarès. Avant ça, il va y avoir The Details avec un encore plus vieux vétéran. Et la pièce de l'album Draw Distance, Draw Border qui s'appelait Reunion Souvenirs. Mais on commence avec un artiste que j'affectionne particulièrement, que j'espère que tu vas aimer en l'entendant. C'est de lui que viennent tous ces merveilleux fonds et ces ambiances. Écoutons dans la chanson. C'est Sandry Lurky. On va l'entendre une pièce de l'album Phantom Punch. C'est Say It All. Tout de suite, écoutons la donc. La chanson. Already, I just say it all. Play it again and say it all. I said a little, the rest is a little. I'm not too sure to say it all. Play it again and say it all. You know the punchline, it's all in the punchline. I said a little, the rest is a riddle. Our night's too short to say it all. Play it again and say it all. You know the punchline, it's all in the punchline. The Details et Reunion Souvenir de leur album Draw Distance, Draw Borders. Juste avant, c'était Sondre Lurkey et sa pièce Say It All de l'album Phantom Punch avec The Faces Down. C'est la fin de cette édition. Découtons-la donc la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans l'intimité de l'animateur barbique méga vedette Mathieu Plante. Oui, Mathieu Plante, moi-même, qui vous retrouve la semaine prochaine, les lundis à partir de 10h, on rappelle les jeudis à 9h. Je vous retrouve aussi dans le poste d'écoute, l'émission qui vous permet de découvrir les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que moi et nous à C'est Fou. Ça, c'est les vendredis matins à partir de 10h. Et je vous retrouve aussi dans les palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou a à vous offrir. Ça, c'est les vendredis soirs à partir de 17h. Je remercie évidemment ma conscience qui est partie dormir comme toujours. À chaque semaine, à la fin de l'émission, elle se tanne et va se coucher. Normal d'être allé de m'entendre des fois. Ça arrive. Merci beaucoup d'avoir été là. J'apprécie toujours votre présence. Écoutons maintenant la chanson. Je vous retrouve la semaine prochaine. On se quitte avec une pièce des Gigolos qui s'appelle La guerre des mondes de leur maxi fantasmagorique. Et de la part de ma conscience, de moi-même Mathieu Plante et de toute l'équipe fictive, écoutons maintenant la chanson. Bonne semaine et bonne chance.